No Farm Grooves Éclectiques, présenté par la Société des Ambianceurs. Tous les lundis sur radioUsine.net à partir de 19h. Bienvenue à tous et welcome back, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est le retour du No Farm Grooves Éclectiques dans sa version présentée toujours par votre hôte de toujours, Petit Bizet de la Société des Ambianceurs. Voilà, ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé parce que tout simplement on avait juste jugé qu'il était plus utile de simplement balancer de la musique. Et puis là, j'ai de nouveau envie de vous parler un peu. Donc voilà. Bienvenue, comme je disais, à ce 67e épisode du désormais très célèbre No Farm Grooves Eclectic Show, qui cette fois-ci fera la lumière sur l'une des plus grandes voix des deux Congos, bien qu'il soit né en Angola. Vous savez, vous le connaissez tous, c'est Sam Mangwana. Donc ça va être le premier segment d'un double épisode qui, j'espère, va vraiment, vraiment vous faire plaisir. On va essayer de passer quelques pépites de son immense discographie qui s'étend sur pratiquement 50 ans. Voilà. De l'African Fiesta, en passant par l'Afrisa, en passant par l'Oké Jazz, les Maquisards, l'African All-Star, Sam Mangwana. Voilà. J'espère que ça va vous faire très plaisir, comme moi j'ai eu plaisir à faire cette petite tracklist. Voilà. No Farm Grooves Éclectiques, musique incendiaire pour mélomanes, pyromanes, Oka. Limbondo et Belité, abosani koki ya mbungwa na basenzie prese elekaye na bareunio ya muzikie nabundi na mpondu lokola nta bakoli ya nkasa e mwasi alambeli ngai nzombo na salade o abuki mobeko ya bilengie omelengila e alobi moto ya boayo ezalaka na misuni nsambo moseke asilisi moto lopele asukoli ndeko sukola atikelinga suku na mokongo lomboto e yelanga nduka e kala e lomboto e mwasi asilisi liboke ya nkoba e eloko bankoko bayambaka nango mopaya e na ngai maya miso limaka te soki akolela nzoka nde esheri abuka bikila e mwasi aoki elengi ya mafuta ya nkoba e akomi prese lokola mopepe o jango okalikango e jango e mwasi ale moto ya nzombo e abanga lisusu balite bandeko e apakolingola lobinga na pekisa ye te o mwasi asengi ngai liberte sheri ayoki sekele ya yenzenze abuki mobeko ya bonkoko ilonse o mamambomba onkai mbondo e mwaso ya bominga ikoboma bampangi e Yelanga mosaka ya coopération. Atana yembi kimongo mwasi ya okanga iteo. Aoki elengi ya enzenzeo. Mwasi ale moto ya poa yoe. Apanga lisusu mobali te bandeko. Apakolingo la lobinga na pekisa yeteo. Mwasi ya sengi ngali panda na ndako e. Mwasi ale moto ya poa yoe. Abeli malade ya waya waya e. Banyongo ya banke nyoso etonda yango nde essence ya voiture ebanao okozela trop mama e. Ozui mobali ya Jaguar binazi verifie nano butu etonda makambo onzo kwa lubaki. lokuta etonda bango na monoko promesse ndenge na ndenge na kosombela yo lompango na kosala nyonso lingaka sala ke ba chérie zela mokongo so azangaka nyonso luka oyo moteme lingi azala malolo to liche eyeba nao eyeba nao eyeba nao okozela tro mama e otamboli na kati ya nzela okutani na mobali ya jaguar olobi ozwi ya yo ngala yo verifie nano mama fungola nanu kapo ya motuka esika motele ezalaka banyongoni ya banke nyonso etonda yango ekotambusa motuka eyeba nao eyeba nao eyeba nao okozela tro mama e eyeba nao eyeba nao eyeba nao okozela tro mama e da Costa. Aha. Moindre rêve. Dominique. A tout à coup. Ouais. En même temps, oui. Malheur aux imitateurs. Vraiment. Aïe, aïe, aïe, maman Nangai. Et vous donner la joie. Eh bien, nous sommes avec vous, car la musique doit donner du plaisir, et avec ça, tout un chacun essaie de se créer un monde à lui et pour ses propres plaisirs. Thank you. akoma koloba loba pamba e mangwana e. Ba ingia bakendi bakoma kobangisa na mboka muzungwe. Mariela nakoma koloba loba pamba e bampangye. Bamasta bakendi bakoma kobangisa na mboka muzungwe. Iondongo bakoma koloba loba pamba e danie. Bamasta bakendi bakoma kobangisa na mboka muzungwe. Bakende bakoma kobangisa na mboka muzungwe. Buka mundele. Aha. Oh sax. Ça c'est la vraie vraie couleur. Aha. Edison. Avec toi, donne-moi tes 30 ans qui ressemblent à 16 ans, Lisa Kerida. T'en fais pas du quand dira-t-on. Recommençons comme la première fois, puisque je n'aime que toi et que sans toi, chérie, je ne suis plus moi. Moi content dans ce rythme-là. Remontez, remontez la musique. Donc à ça jouer, moi guitare, moi content, chanter la biguine. La biguine. Jouer solo, moi content, danser la biguine. Okay. La cavalière m'appartient, vous pouvez danser, mais touchez pas, monsieur. Touchez pas. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Okay. Mon mari est capable. pas moins. Mon cavalier méchant, attention monsieur, les mains en l'air. Wolola, wolola, wolola. Ma nana c'est méchant, rends-moi ma cavalière, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Wolola, wolola, wolola, wolola. De l'Afrique aux Caraïbes, danser salsa manguana. Wolola, wolola, wolola. Papa Armand, Bina Mondoule, Oseli Zozo, Super Banganda, Bina Musica, Chekitoni Maya, Nanya Kobute, Bina La Salsa, Vieux Emma, Ya Papa Lufonti Ndangwe, Oba Cousin, Bakouzin, Bina Kadanse, Wolola, Wolola, Wolola. Javon Marcelin à Paris, Bina la salsa. Chez Simplice, au Vatican, Oye ma Kori. Dis moyen bouger, dis moyen douter. Abat les méchants, viva musica. Yeah! Exodus, ma bandale pas succès. Et ma samba c'est méchant, rends-moi ma cavalière, c'est pas sérieux. Ma samba. African All-Star, les étoiles, chez Tabou, à Lomé, chez Zed. Remontez, remontez la musique, musique. Toto Bokulaka, Papa Armand, Bina Mondoule, Mondoule. Oseli Zozo, Suka Banganda, Bina Musica, Musica. Chez Kitoni Maya, Nanya Kodute, Bina la salsa, la salsa. Yo Emma, Ya Papa Lufonti Ndangwe, Kinshasa. Oba Cousin, Ba Cousin, Bina Kadanse, Kadanse. Operes, Yoka Masio, Yoka Mebango, Operes. Wolola, wolola, wolola. Wolola, wolola, wolola, wolola, wolola, wolola. Bangali, baninga bako finga balobi malole mikolo mikoya toyebi te baninga nzambe ye mama balingi kokunda ngai mobesu nazali nano kopema nano na kufike yo kadi bamobali akabi ngai kano na bambanda nazali nano na mai na nzoto elenge yoyo foti ya mbanda te foti ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bampangi ye komelesa ye koaluka na ye se mbongo e ngai na mbanda tokokani ye nzambe asala nga moke lokola tonga masinyo mbanda banga lolendo na ngai te oyima o kisasa mobimba balali ngai nazali se kotanga plafon na kanape o mawazo e kadi mobali akabi ngai kano na baleki bazalaki kobenga ngai yaya na nzela ya sando e na sambwe o ngai na misana koseka ata lelo na siliki banda banga kanda na ngai te o malole. Tai ya maneke o ngai mwana lomeka, mobali asambusi ngai likolo ya vengeance. Oyo yo o minalewa e. Nambanda to kokani ba point foti a komele sa boko yo makambo buka muziki ya bana buka imai mai ye bolingo pasie. Maloba ya tata liboso akata motema, na mbeto l'hôpital ayebisaka ngai boye. Mwana soki kokelelele kina la vie, bako ya kobenga yo maboko makasie. Mwana soki verite eleki mingi na monoko, bako ya kobenga yo epanza makita. Soki mobali alembi kosalela yo zuwa, wana ekomi kaka libala ya provisoire. Mwasi ya mobulu asimbaka makwela veo, suka ya likambo seba boya ye. Niongo ya pongi suka se ofuta, mwasi obonga kise na ndako ya masia. Hey, ma, oh mama. Mobali abuyanga kala na koyeba kateo. Likambo la sala eleki lelo mbula zomio. Mobali akangela ngai kanda na motema. Tokolia tokomela ta na sengi pardon. Ye na motema boya kolimisa ngai. Ayeko boya ngai setango na lingi ye mingio. Ainga na nye kwa miyoyo. Oh mama. Oyo oh, yo, mobali a tikinga bolingo na lolemwe. Oye oh, ye, viva le pesinga ipanso ya bomwana o. Oyo oh, yo, mobali a kabinga ikado na bambanda e. Oh mama, je moyen pas comprendre o. Oyo oh, yo, ay je muri kado e. Mama oh, mobali atikinga ibolingo na lole mwe ima. Oh mama, libale pesinga ipanswe ya bomwana boye oh. Oh mama, mobali atabinga ikadona bambanda eh. Oh mama, moi je moye pa comprendre. Oh yo yo eh, moi je muri kado eh. Sa basuli solo ya ko solo la komoranga esiye. Mama, banana nganga ni metie. Oh yo yo, ate pa ya seli sozo eh. E pa ya bebe, kombo nangai. E siliko sila, sempo linde soupwe. Oh yo yo, moi je mouri kade eh. Ima ima eh ye ye, ima ima eh ngala wiyo. Oh oh yo yo, mobali akabinga ikadona bambanda eh. Oh mama, mbale pasika kafe abo moda eh. Oh mama. Na kanga ina sheri na zeli o mayeka na zeli o moy mobimba mayeka okoyate na sala koninyo yoko zali mwana mboka e ipaina dino tata na mama balapanda ikomonanga na miso bakoka kate monzele zali nganda mayeka Nageme na ezali nganda mayeka, oh mayeka. Monzele o nganda, awa nazeli ya oyeite. Na koti ya se matoi na yo kamongogo ya mangwana eko yemba. Radio na baby na makanisi oh mayeka na wena mabanzo oh, mayeka mbalabala kemena obosani eske sika ya mondele obungi oh mayeka oh mayeka mayeka mayeka na zongi na mawa Angélica, on se souvient de nos beaux jours, quand j'étais comme un petit conquérant, trop volontaire, plein d'ambition. Je me souviens ces grandes robes que l'on appelle aujourd'hui le rétro, quand j'étais souvent habillé comme un capitaine conquistador sur les mers de Caraïbes. Le temps passe, Célica, les fleurs ont gardé la même beauté, l'humanité vieillit au fil des jours, tu es belle comme une déesse. Oh, Célica, tu n'as pas changé, mais le cœur des hommes vieillissent aussi. Chanter mes souvenirs dans cette vieille mélodie qui me rappelle le bon vieux temps. Le monde tourne, Célica, on se souvient de nos beaux jours, quand j'étais comme un petit conquérant, trop volontaire, plein d'ambition. Je me souviens ces grandes robes que l'on appelle aujourd'hui le rétro, quand j'étais souvent habillé comme un capitaine conquistador sur la mer des Antilles. Célica, Célica, ma chérie, laisse-moi rêver sous tes caresses, vivre mes propres illusions, danser la rumba au Colombo. linde kokende Paris Bisengo eko tambuisa yo bongo Balola misota la kanasima Kanisa mokolo oyo toka bwanaki Na Suzanela Bebo yoko sala papi Nakoka kina peti saka sinatani Ezani mpona yote Nakanga se motema na longo la basusi Na maison blanche La papi na kokaki na peki saka sinatali ezali pona yote na kanga se motema na longola basusi na maison blanche Suzanela maison blanche maison blanche Suzanela Fucking up na banzi Maria kebo kebola na landi Maria na Paris kebola Maria kebo kebola so ki pona mbongo na kopesa Maria I love you Maria kebo kebola I love you Maria kebo kebola kebo kebola kebo kebola Maria Tebo, Tebo, Lao, darling. Tu dis que tu moyennes. Voilà toi, voilà un fait. Tu n'as qu'un moyen, là on va voir. Yeah! Charles même de façon il compta ça. Il m'a l'homme. I love you Maria te vola. I love you Maria te vola. Tebo, tebola, give me your love, oh tebola, Maria tebo, tebola, oh darling. Sakina banzi Maria tebo, tebola, Sakina banzi Maria tebo, tebola, na landi Maria, na Paris tebola, Martini tebola, Maria tebo, tebola. I love you, Maria, Tebo, Tebola. I love you, Maria, Tebo, Tebola. Tebo, Tebola. Tebo, Tebola. Give me your love, oh, Tebola. Maria, Tebo, Tebola, oh, darling. Ça va chauffer, hein. À tous les mélomanes du Cameroun, bon bonjour. Et sans oublier Mamie Dolé, à Yaoundé bien sûr. Tebola, Maria Tebo, Tebola, oh darling. Nalandi yo Maria te bo te bola. Nalandi Maria na Paris te bola. Maria te bo te bola. Samuna mboko noni noni Maria e. I love you Maria te bo te bola. I love you Maria te bo te bola. Te bo te bola. Give you love, te bola. Maria, te bola, oh darling. Simplement pour annoncer la fin de l'émission. Voilà, c'était la fin. C'est le premier segment de notre double épisode consacré à Sam Manguana, avec une première partie résolument calme, avec ce dernier morceau Maria Tebo qui annonce une partie 2 un peu plus dansante. Voilà, c'était petit billet pour la Société des Ambianceurs. Je vous dis très vite. 68 de notre émission sera notre volume 2 dédié à Taboulé. Le 69e sera la seconde partie de Sam Manguana. Portez-vous bien. Bonne musique à vous. Yoka. I love you Maria, te bo, te bola. I love you Maria, te bo, te bola. Te bo, te bola. Te bo, te bola. Give me your love, te bola. Maria te bola, oh darling. I love you, Maria te bola. I love you, Maria te bola. Te bo, te bola. Te bo, te bola. Give me your love, oh te bola. Maria te bola, oh darling. Maria te bola, so ki na banti Maria te bola, na Malibu te bola, na plantation te bola, na Colombo e na Abidjan na Mambo e. I love you Maria te bola, I love you Maria.